Il y a une question qui a été écrite par quelqu'un de la salle. Là. Je vais commencer par celle-ci. Créer de nouveaux égrégores ne serait-il pas une autre forme d'illusion? C'est le danger de l'égrégore, c'est le danger de n'importe quelle création. Quand la personne crée, elle crée en même temps l'illusion de s'imaginer que c'est qu'elle ne devrait pas créer. Enfin, moi, je ne veux pas trop revenir sur ce sujet-là pour l'instant. Possiblement, dans la troisième partie de la conférence, on va pouvoir revenir un peu sur la première partie. Parce qu'il y a des dangers et présentement, il y a trop d'énergie, ce qui fait que la personne pourrait risquer de s'imaginer qu'elle a saisi ou qu'elle comprend bien. Et puis, au cours de la semaine ou du mois ou enfin le reste de sa vie, ce qui va suivre de ce qu'elle aurait peut-être compris lors de la première partie, ça risque d'être totalement illusoire, puis ça risque de ne pas être compris du tout dans le sens où j'aimerais que ce soit compris. De quelle façon, Daniel, faudrait-il qu'un individu qui est dans la salle, justement, qui ne comprend pas très bien ce que tu as exprimé dans la première partie? La meilleure chose à faire, c'est d'écouter la cassette. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins d'énergie sur l'enregistrement, ce qui fait qu'une fois que la personne croit avoir compris, une fois qu'elle est dégagée de l'énergie que j'ai dégagée, bien, automatiquement, elle est beaucoup plus apte à pouvoir être soit intellectualisée, ce qui n'est pas mauvais, mais au moins, elle risque beaucoup moins de s'illusionner qu'elle comprend tout. Et le travail, tout ce que j'ai dit lors de la première partie, c'est quelque chose qui doit se faire en collectivité pour commencer. Il n'y a personne ici présent qui est apte, sans risquer de tomber dans le piège de l'illusion totale, à commencer ce travail-là. OK. Si on change de domaine, dernièrement, j'ai pris connaissance, Daniel, à travers mon voyage au Japon, de l'enseignement bouddhique. Et puis, il y a une chose qui m'a frappé, et j'aimerais avoir tes commentaires là-dessus, c'est ceci. Lorsque... disons qu'on donnait un exemple qu'un couple va voir Bouddha. Et puis, le fait qu'ils se soient aimés toute leur vie, qu'ils se soient aidés mutuellement, sans effort, qu'ils, disons, ont cheminé spirituellement ensemble, ils vont voir justement Bouddha pour savoir si dans l'autre vie, ils peuvent se remarier. Et la réponse a été la suivante, dans l'autre vie, dans l'au-delà, c'est-à-dire, tu sais, pas dans la vie physique. Et puis la réponse a été la suivante. Il ne sera pas nécessaire de vous marier car vous allez être un. Lorsque vous allez passer bon, de cette revient, terre à l'autre côté. Tout à fait normal, on revient simplement avec la loi d'attraction qui fait que lorsque des énergies sont similaires, elles vont s'attirer. Ce n'est pas la même chose que dans le plan de la matière où certaines énergies similaires se repoussent. Les énergies de l'ego, les énergies de l'astral font que l'amour existe surtout là et les énergies similaires s'attirent. Lorsque des énergies égoïques de personnes décédées physiquement sont voyagent librement dans l'astral planétaire, ils vont réussir, ils vont finir par s'agglomérer, former une espèce d'ensemble, c'est-à-dire former un être astral. Lorsque la réincarnation physique, de toute façon, si Bouddha parle, dans l'exemple que tu me dis là, hors réincarnation, ce qui arrive simplement, c'est que les énergies restent similaires, elles sont mélangées. Donc, elles ne forment qu'un. Et si la personne se réincarne dans une entité physique, ce qui arrive simplement, c'est qu'elle va se réincarner comme personnalité fusionnelle de différentes personnalités antérieures physiques. Donc, encore une fois, la personne, elle est un. Exactement comme le corps physique de l'enfant unit le père et la mère, exactement comme le corps physique de l'enfant unit les parents du père, les parents de la mère, les parents des parents, etc. Donc, plusieurs entités physiques. Au niveau de la psychologie, c'est la même chose qui va se passer. Et les personnes qui ont des affinités extrêmement propres ne peuvent pas faire autrement que de devenir une personne ou enfin une entité qui sera soumise à la réincarnation dans une vie ultérieure. La réincarnation, elle est de forme pluralitaire dans le cas où tu me parles. Elle peut être de forme fusionnelle, c'est-à-dire que la personne qui se réincarne se fusionne avec d'autres énergies avant l'apparition dans le corps physique. Et elle peut être aussi pulsée, c'est-à-dire que la personne qui meurt, lorsqu'elle se réincarne, elle est propulsée dans un univers immensément plus grand que l'univers dans lequel l'univers qu'elle a connu avant sa réincarnation pulsée. La réincarnation pulsée, c'est une réincarnation qui se fait dans une échelle de conscience qui est totalement différente de l'échelle de conscience humaine. L'homme se réincarne en humain parce que son échelle de conscience est une échelle humaine, donc planétaire. Lorsque l'homme arrive à pouvoir se réincarner dans une entité beaucoup plus vaste que la galaxie, c'est une réincarnation pulsée, c'est-à-dire que nous prenons le terme réincarnation pour faire comprendre à l'homme humain que la mortalité n'existe pas. Donc, lorsque, à un moment donné, un initié, pour ne pas employer le terme maître, arrive à une fusion de ses corps, il disparaît pour devenir, ou pour se réincarner d'une façon pulsée, pour devenir l'univers dans lequel il a évolué. Pour devenir l'univers dans lequel il a évolué. Peux-tu expliquer un peu? C'est toujours au niveau de la conscience. Présentement, l'homme a une conscience humaine qui est égoïque. Donc, elle n'est pas tout à fait planétaire. Elle est diminuée à l'entité auquel il se représente. On peut avoir une conscience nationale, on peut avoir une conscience familiale, on peut avoir une conscience planétaire, ce qui est extrêmement rare. L'homme qui évolue dans une conscience, par exemple la conscience individuelle, finit à un moment donné dans son vécu présent à avoir une conscience peut-être nationale ou peut-être continentale ou peut-être planétaire. Donc, il a à un moment donné conscience de l'univers dans lequel il a évolué pour arriver à cette conscience. Lorsque l'homme planétaire a une conscience planétaire, il entrevoit les interrelations qui existent entre les autres planètes, les autres soleils et d'autres expressions énergétiques qu'il ne connaît pas et qu'il ne voit pas. Lorsque l'homme arrive à intégrer la conscience extérieure à sa planète, donc la conscience de ce schéma, parlons par exemple de la galaxie la Voie lactée, automatiquement l'homme vit ou subit une réincarnation pulsée. Il perd la limitation conscientisante de sa propre personnalité, de sa propre planète. Il perd son corps physique étant donné qu'il intègre le corps de la galaxie et sa conscience devient une conscience galactique au lieu d'être une conscience simplement planétaire. Lorsque nous parlons d'une conscience galactique, nous parlons évidemment d'une conscience supramentale où la personne finit par avoir une réelle forme physique, mais supramentale, donc ce n'est pas physique, et l'expression matérielle involuée de la forme supramentale conscience sont les planètes et les soleils et d'autres agglomérations de particules énergétiques qui existent dans une galaxie. Lorsque la personne augmente encore son schéma, encore là je parle supramental de galaxie, mais en réalité la conscience supramentale évolue hors galaxie. Elle évolue dans certaines formes, dans un nombre de galaxies que nous pourrions appeler univers, et au-delà de ces univers, on a d'autres formes de conscience qui sont hors conscience supramentale. Chaque fois que l'homme arrive à une réincarnation pulsée, s'il n'est pas finalisant sur son contexte évolutif, il commet une erreur, une aberration évolutive. Lorsqu'un homme évolue, lorsqu'une femme évolue et qu'elle arrive à finaliser tout ce qui devrait être conscientisé dans le plan d'évolution qui lui est donné, par exemple, nous parlons de l'homme, donc de l'humain, de l'être planétaire, il devra finaliser son évolution tant dans l'enfer matériel que dans les hautes sphères des énergies mentales. Et étant donné que présentement l'énergie supramentale tend à se faire planétaire, l'homme devra, avant de vivre une réincarnation pulsée, devra devenir conscient de la conscience supramentale dans sa globalité. Pour y parvenir, l'homme planétaire qui suit le cheminement, disons, intelligent, ou le cheminement qui sera permis à la collectivité, l'homme devra, à un certain moment donné, se construire dans l'éthérique supramentale une deuxième forme qu'il pourra non pas habiter, mais qu'il pourra connaître par l'état de conscience supramentale, et grâce à cette forme, l'homme pourra automatiquement évoluer dans la conscience supramentale de la même façon qu'il évolue dans la conscience planétaire. C'est-à-dire que l'homme ne pourra pas faire le saut de la conscience limitative planétaire à la conscience exhaustive, galactique ou encore universelle. Universelle reliée à un univers et non pas sans fin. Donc, l'homme qui suit le cheminement de la collectivité, certaines personnes vont suivre un cheminement hors collectivité et ils auront droit à certaines fusions retardataires, des fusions qui les amèneront à rester intégrés au plan supramental planétaire et fusions qui les limiteront car ils ne pourront pas connaître le plan extra-universel. D'ailleurs, les personnes qui suivent un plan parallèle à la collectivité, les grands maîtres, sont des entités hautement évoluées qui n'ont pas la possibilité de vivre une bilocation, c'est-à-dire qui n'ont pas la possibilité d'être localisés réellement dans le plan supramental. Ils restent en contact avec une énergie supramentale que même on appelle par certains noms et ils restent intégrés dans le plan de l'expérience aux énergies planétaires. Lorsque un être arrive dans son cheminement logique et, disons, conventionnel, le cheminement collectif, l'homme va automatiquement arriver à pouvoir percevoir ce corps éthérique qu'il créera, donc ce corps éthérique en relation avec l'ancienne étymologie éthérique qui était l'égal du corps vital qui donne la forme à la matière, qui crée le corps physique, et donc l'énergie supramentale est par relation de même ordre sur une autre octave que l'énergie vitale de l'homme. Donc, on peut aussi l'appeler énergie éthérique, et elle est éthérique en ce sens qu'elle va permettre l'agglomération de molécules supramentales pour créer un corps supramental, et l'homme qui sera conscient de cette deuxième habitat, de cette bilocation, va être capable d'expérimenter à la fois sur le plan planétaire tout en gardant son intégrité physique, et à la fois sur le plan supramental, ce qui va l'amener à rencontrer d'autres entités qui vivent une bilocation, mais qui ne sont pas planétaires. C'est-à-dire que lorsque l'intégrité supramentale d'une personne est suffisamment avancée, l'être qui vit en conscience supramentale, avec une location supramentale, peut rencontrer d'autres personnes qui vivent une conscience supramentale, mais qui n'ont pas d'entité physique planétaire terrestre, qui auront une entité physique planétaire, mais autre que une planète de notre système solaire. Ce cheminement évolutif va se poursuivre sur les trois plans extraplanétaires et l'homme qui arrivera à la fin, à la finalisation de ce cheminement sur ces sept plans de l'espace-temps, pourra se libérer de la réincarnation réelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de processus de réincarnation, il disparaîtra simplement. Tel que le Nazaréen a fait. Oui. Si on détruit l'âme, est-ce que nous pénétrons dans une conscience supramentale et est-ce que c'est la seule utilité de détruire l'âme? Détruire l'âme, c'est-à-dire que l'âme ne peut pas être détruite comme nous allons détruire un mur qui entoure une ville. Détruire l'âme, c'est la seule possibilité qu'a l'homme de pouvoir se libérer de la conscience limitative de l'expérience pour atteindre une conscience hors expérience, une conscience instantanée, une réelle conscience qui n'est pas assujettie à son passé. L'homme qui reste assujetti à son âme, l'homme qui reste assujetti à la mémoire du passé, reste assujetti à une limitation qui est déterminée par son expérience, qui est déterminée par son apprentissage et qui est donc déterminée par ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait l'amène à prendre conscience d'une illusion, celle du temps, où il voit un avenir qu'il ne connaît pas, un présent qu'il ne peut saisir et un passé qu'il a en lui, mais qu'il ne peut pas réellement savoir d'où il vient. L'homme sait qu'il a un passé, il ne perçoit pas le présent et il imagine l'avenir. L'homme qui vit dans une conscience hors âme, une conscience supramentale, vit dans une conscience qui ne connaît pas le passé, qui ne connaît pas l'avenir, qui ne connaît que l'instantanéité, qui ne peut même pas être appelé présent. Détruire l'âme, c'est détruire simplement le passé. C'est détruire l'identification que l'homme fait par rapport au passé, et c'est détruire aussi la peur de la mort, étant donné que l'homme ne saura plus qu'il vit. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de dire, au lieu de détruire, si on utilisait un autre mot, je pense? C'est absorber ou transmuter. Absorber, justement, ou transmuter, parce que l'âme demeure quand même, reste là. Tu te sers de ses énergies pour... Exactement comme lorsque l'homme va devenir Dieu, l'homme n'aura pas détruit l'homme pour devenir Dieu. Par contre, il n'y aura plus d'homme. Donc l'homme aura été détruit. Mais l'homme n'aura pas été détruit. Et surtout pas par l'homme. Quelle est l'importance de la parole dans l'ère du Verseau? La parole va simplement se offrir un support matériel à l'expression du supramental de façon à localiser le supramental dans la mémoire de l'astral. La parole sert donc à créer des égrégores. Lorsque nous parlons, automatiquement, cela est enregistré dans l'astral, dans la mémoire. Et lorsque cela est enregistré dans la mémoire, cela crée une forme pensée, c'est-à-dire que toutes les paroles ou toutes les idées transportées sur la matière de la parole, qui auront une affinité vibratoire similaire, se relieront. Étant reliées, elles créeront un égrégore. Donc, l'homme, qu'il le veuille ou non, crée des égrégores, mais il ne fait que nourrir l'égrégore sans jamais prendre conscience qu'il devrait se servir de l'égrégore. Lorsque nous nous servons de la parole pour manipuler quelqu'un, nous nous servons évidemment de l'égrégore moral, de l'égrégore conventionnel qui devrait normalement manipuler l'être que nous nous manipulons. Donc, connaissant l'égrégore qui assujettit l'être à qui nous parlons, nous pouvons, par la parole, se servir de l'égrégore qui manipule la personne de façon à manipuler la personne. La parole est là, dans l'ère du poisson, elle a eu ce rôle. Dans l'ère du Verseau, elle aura un rôle différent. Présentement, dans l'ère de transition poisson-verseau, la parole est d'or parce qu'elle va dorer, elle va adorer l'énergie égrégorienne supramentale. Chaque fois qu'une personne parle et qu'il se rapproche de la parole juste, il permet simplement l'énergisation d'une parcelle de l'astral que j'appelle astral supramental. Et lorsque nous aurons créé un égrégore supramental dans la sphère astrale, nous aurons une forme d'énergie que nous pourrons utiliser ou qui pourra nous utiliser. La différence avec les égrégores poissoniques, c'est que la sphère supramentale, même si elle manipule l'homme, ne va le manipuler d'une façon presque intelligente, c'est-à-dire d'une façon supérieure à ce qui est déjà sur la planète. Par contre, à un moment donné, cette sphère supramentale, si elle manipule l'homme, deviendra un frein à l'évolution, comme toutes les sphères égrégoriennes sont devenues des freins à un moment donné de l'évolution humaine. La parole a donc un rôle important, celle d'énergiser supramentalement l'astral, autrement dit, de détruire l'astral, autrement dit, de transmuter l'astral. Plus la parole est juste, plus elle s'en va dans des plans plus subtils? Non. La parole juste, c'est une parole qui ne peut pas être déformée par celui qui écoute. C'est-à-dire que lorsque nous avons la parole juste, lorsque nous parlons, la personne qui écoute ne peut pas interpréter l'idée que nous voulons transmettre. Donc, la parole juste demande une connaissance suffisante de la psychologie contemporaine, de la psychologie de nos contemporains, des lois et des mécanismes de la langue que nous parlons. Elle dépend aussi de l'énergie transmise en même temps que la parole et plusieurs autres petits phénomènes qui permettent à l'orateur de communiquer en étant certain que l'auditeur ne peut pas interpréter. Ou il ne comprend rien, ou il comprend, mais il ne peut pas l'interpréter. La parole devient donc juste. Maintenant, la parole juste ne peut pas être écoutée sur cassette. La parole sur cassette n'est jamais une parole juste. Elle doit être bénie par l'énergie de l'orateur, donc elle doit sortir de la bouche de l'orateur pour pouvoir porter le nom de juste. La parole qui est juste est une parole donc qui ne peut pas subir l'interprétation de l'auditeur. La parole supramentale est une parole qui est supportée par une énergie autre qu'égoïque, autre qu'astrale, une énergie intelligente qui connaît, et la parole connaît, qui connaît le but même de sa prononciation. Autrement dit, le fait d'avoir une parole supramentale ne demande pas nécessairement d'avoir une parole juste. Par contre, la parole ajuste la parole et la parole ajuste la pensée. Donc, dans le but d'ajuster l'énergie mentale, il est important d'essayer de viser la parole juste. Mais dans le but de communiquer ou d'énergiser l'astral d'une façon supramentale, la parole juste n'est pas une chose nécessaire. L'important est de savoir ce que nous faisons lorsque nous parlons. Daniel, tout est censé être lumière et son. La parole serait le son. Oui. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'on attire, on fait comme magnétiser la lumière que l'on transforme en son et qu'on retourne pour énergiser originalement ce qui nous énergise? Oui, c'est alchimique, ce que tu nous dis là. La lumière, c'est l'énergie, et la parole, le son, c'est l'initiation lunaire. Donc, le fait de pouvoir recevoir la parole, c'est une initiation lunaire. Lorsque la personne devient une antenne et qu'elle n'a plus besoin de parler pour apprendre, automatiquement, elle est assujettie à l'initiation lunaire directe, solaire directe. Donc, la parole, c'est simplement l'ombrage, l'énergie lumineuse, la lumière, comme tu parles, pour pouvoir énergiser notre obscurité de façon à ce que lentement, il devienne lumière. Si on prend le soleil de Ra, je ne sais pas si tu connais le soleil de Ra, celui qui a des bras, des mains, qui vient chercher, est-ce que ce ne serait pas ce son? Ça peut être, là on parle de symbolique et d'interprétation, disons que je n'aime pas tellement rentrer dans des choses interprétatoires parce que ça nous amène très loin sans réellement nous amener à quelque chose de vraiment utile. Est-ce que les gens prie moins que l'institution catholique ramène sans sa fin proche? Ou est-ce que c'est parce que nous entrons dans l'ère du Verseau que l'Église aura à disparaître comme telle? Il n'y a pas que l'Église. De toute façon, nous allons revenir lors de la troisième partie sur ce qui aura à disparaître et sur ce qui aura à apparaître. Mais lorsqu'on dit, Daniel, que les gens prient moins, c'est vrai, puis c'est pas vrai, parce c'est qu'il y a totalement certains pays... Faux. Les gens énergisent moins l'ancien égrégore. Par contre, les gens continuent toujours à prier les égrégores parallèles à l'égrégore central. Lorsque nous disons « j'ai abandonné la religion catholique, mais pas Dieu », tu n'as jamais abandonné l'égrégore. Tu as abandonné une parcelle parallèle de l'égrégore divin, celui de la chrétienté ou du catholicisme. Mais l'homme prie continuellement. L'homme ne prie pas moins. Si on prend aux États-Unis, par exemple, l'Américain prie comme qu'il n'a jamais prié depuis l'histoire des États-Unis. C'est la même chose au Québec, c'est la même chose au Canada. Seulement que ça ne se fait plus dans les églises. Exactement. Peux-tu expliquer de quelle manière l'homme peut être désinformé dans son mental? Quelle sorte d'énergie peut donner cette désinformation? Premièrement, avant d'être désinformé dans son mental, l'homme doit avoir un mental qui a la possibilité de se faire informer. L'énergie mentale, à l'origine, au début, lors de sa naissance, est informée par l'expérience astrale. À un moment donné, le mental finit par se relier à l'ajusteur de pensée, qui est une forme involuée d'énergie supramentale, et le mental est informé par l'énergie supramentale. Ce qui empêche le mental d'arriver à une conscience intégrale de ce qui se passe en lui, c'est l'ajusteur de pensée. Sachez bien que lorsque je parle, plusieurs choses, plusieurs connaissances d'ordre mental ou supramental sont canalisées dans l'astral. Lorsque votre expérience à vous vous permet de développer une énergie mentale qui vous permet d'entrer en relation, d'entrer en contact avec l'énergie supramentale, il y a gros risque que votre énergie astrale s'empare de l'expérience pour vous donner l'illusion ou pour lui donner l'illusion qu'elle, l'ego et l'astral, est en relation avec le supramental. De ce fait, l'énergie supramentale réglée par l'ajusteur de pensée qui descend à l'intérieur du mental règle le mental de façon à ce que celui-ci ne puisse prendre aucunement conscience des transformations qui s'opèrent en lui. Étant donné que le mental de l'homme n'a aucune conscience de ce qui se passe chez lui-même, de ce qui est causé par l'énergie supramentale, Il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérimentation. Donc, l'ego l'ignore. L'ignorant, il ne peut acquérir l'expérience pour se donner l'illusion que c'est lui qui vit l'expérience. De ce fait, le mental de l'homme, même s'il évolue, même si par différentes techniques, on développe le mental de l'homme, le mental conscientisant de l'homme n'est pas nécessairement au courant de sa conscientisation. Certaines bribes qui se doivent d'échapper au mental parviennent à l'ego, et celui-ci prend donc conscience qu'il y a conscientisation. Cela est extrêmement limité dans la conscience mentale de l'homme par l'énergie de l'ajusteur de pensée, parce que cela doit être... On doit empêcher ses connaissances de parvenir à l'ego, parce que, autrement dit, on dynamiserait l'ego. Et pour empêcher la dynamique de l'ego, on doit faire en sorte que l'être qui évolue ignore même qu'il évolue. Alors, il y a une évolution dans le plan de l'astral, et au niveau du mental, l'homme ne peut pas être informé. Et de temps en temps, certaines choses que je dis ou que vous entendez dire ailleurs vous donnent l'impression immédiate que vous comprenez, cela ouvre des portes chez vous, et presque instantanément, ou une demi-heure après, vous avez oublié ce qui a été ouvert. Vous savez que cela a été intéressant, que vous vous dites que cela a été bon, mais vous ne savez plus de quoi on a parlé. Quel était le sujet? Qu'est-ce qui se produit, Daniel, lorsque on sent qu'on pourrait faire un effort pour s'en souvenir, mais qu'on n'a pas envie et on ne veut pas le faire? On ressent que si on le fait, ce n'est pas correct. C'est simplement une interprétation des énergies limitatives de l'ajusteur de pensée à l'intérieur du mental. Tu as l'impression que tu pourrais le faire et tu ne le fais pas parce que tu sais que ce ne serait pas correct. Dans la réalité, tu ne pourrais pas le faire. Et c'est pourquoi tu ne le fais pas. Interprété par l'ego comme s'il accepte de ne pas le faire. Mais la personne qui essaierait trouverait un trou noir. Et la personne qui essaierait et qui réussirait, elle réussirait parce que ça n'a pas d'importance qu'elle réussisse. Sinon, elle ne pourrait pas le faire. Mais lorsque... ce à quoi je fais référence, là, lorsque tu ne le fais pas, c'est comme s'il n'y avait pas d'importance à le faire. C'est parce que l'énergie qui t'anime... C'est comme s'il y avait un détachement. Parce que tu es baigné de l'énergie de l'ajusteur de pensée. Et tu es manipulé à ne pas chercher. Et tu interprètes cette manipulation énergétique, l'ego l'interprète comme étant une décision de lui-même de ne pas chercher. Alors, il y a seulement qu'acceptation de l'ego de ce phénomène-là. Et il l'accepte d'une façon diplomatique, sans perdre la face. Ce qui est très important. Pour l'ego. Comment énergiser un égrégore? Un égrégore peut-il nuire à un être? Comment s'en protéger? On va y revenir à la troisième partie. L'énergie de l'astral... L'énergie de l'astral supramental peut-elle se régénérer dans l'énergie de l'astral du poisson? Non. L'énergie supramentale peut énergiser l'énergie du poisson. Par contre, elle ne peut pas être soutenue par l'énergie du poisson. Il n'y a que l'énergie supramentale qui pourra dynamiser par la parole et par la gestuelle et par la pensée l'astral supramental. L'astral supramental, selon un processus d'involution relié à la friction du temps et de l'espace, va tendre à devenir matériel. Donc, comme l'évolution ou comme l'involution de toutes les énergies dans l'univers spatio-temporel, l'énergie astrale supramentale va devenir mentale, elle va devenir astrale, elle va devenir vitale et elle va devenir matérielle. Sauf si elle trouve un support suffisant sur une énergie évoluante. On a déjà vu lors de la dernière conférence que lorsqu'une énergie descendait, elle descendait jusqu'à son plus bas point permis par le temps et l'espace, c'est-à-dire par la matière. Et lorsque la matière existe, la même énergie qui descend est bloquée par la matière, elle n'a donc pas besoin d'expérimenter la matière, elle peut être supportée par la matière et elle devient l'énergie vitale, ce qui va maintenant matérialiser, disons, la matière, ou exprimer la matière. C'est la création. Lorsque la même énergie descend et qu'elle touche la matière exprimée, Elle n'a plus besoin de descendre plus bas, car elle est supportée par l'énergie matérielle ou vitale, donc elle devient l'énergie astrale. L'énergie de l'astral supramental suit le même chemin d'évolution. Il tend à baisser en vibration pour expérimenter. Et lorsque l'énergie supramentale de l'astral diminue en vibration, s'il n'y a pas de support à son soutien, elle ne peut pas rester. Elle va donc se transformer lentement en énergie soit mentale, qui va être canalisée par, non pas les supramentaux, mais par les hypermentaux, les intellectuels avancés. Et s'il n'y a pas de support suffisant sur la planète, dans l'humanité, elle deviendra à la longue une énergie astrale. Entendre ça, Daniel, ça m'amène à penser que ça fonctionne un peu comme des marches. Hein? L'énergie astrale du poisson a créé une marche que les gens ont pu monter. Après ça, il y a une autre marche qui se crée, et ainsi de suite. Est-ce qu'on pourrait donner cet exemple-là avec différentes marches? Ben oui. Alors, si on partait, par exemple, du début de l'ère du poisson, disons qu'il y aurait eu une marche qui se serait formée, là, puis à la fin de l'ère du poisson, probablement une deuxième. C'est l'intelligence sous l'égrégore, entre autres. Le fait de comprendre que certaines choses ne sont pas nécessairement la réalité, qu'ils ne sont pas une interprétation ou une interprétation juste de la réalité, mais que sans cette illusion, on ne pourra pas comprendre la réalité. Sur l'autre. Lorsque l'homme comprend que ce qu'il a supposément limité le limite, maintenant, il doit essayer de trouver une nouvelle marche et il doit essayer de monter la marche. Maintenant, lorsque l'homme découvre qu'une chose l'a limité, c'est qu'en fait, elle le limite présentement, mais elle ne l'a jamais limité. Mais l'homme ne comprend pas, l'homme ne peut pas comprendre parce que l'homme ne voit pas l'intelligence sous l'esclavage. Si on prend par exemple un peuple trop stupide pour arriver à vivre seul, si l'énergie intelligente, et j'élabore là une théorie, si l'énergie intelligente a besoin de ce peuple, comme elle a besoin de tous les autres peuples, mais que ce peuple de bâtards, ce peuple d'imbéciles, ne peut pas vivre seul, elle devra obliger un peuple plus puissant à le conquérir, à le transformer en esclave et à l'entretenir suffisamment longtemps pour que celui-ci, par l'intermédiaire de son esclavagiste, de son esclavage, finisse par se libérer du joug de l'esclavage et puisse enfin se libérer. Et là, soudain, il devient un peuple qui peut vivre seul. De toute façon, quand cela se produit habituellement, le niveau de vie est augmenté, même s'ils sont... Est-ce que cela s'est déjà produit? Oui. Quand? Où? Continuellement. Précisément. Bien, ça dépend de A à Z, dans l'exemple que tu viens de donner, là. Non, peut-être pas dans la terminaison. Peut-être pas dans la terminaison, mais dans le... Le peuple juif qui a été l'esclave des Égyptiens. À une époque où ce peuple serait disparu de la planète, si les Égyptiens n'auraient pas eu la bonté de les transformer en esclaves et de les faire vivre. Et lorsque le peuple égyptien a été suffisamment énergisé par son propre manque de connaissances, par sa propre stupidité, il a été prêt à s'en aller. Et là, il a vécu. L'intelligence sous l'intelligence qui régit ce qui se passe, n'étant pas compris ni par l'Égypte ni par le peuple juif, celui-ci continue continuellement à faire certaines absurdités évolutives qui l'amènent continuellement à devoir subir pour être aidé le joug d'une autre race. Si on prend par exemple Taïwan ou ce que le Québec a connu ici, si on n'avait pas eu les capitaux, si on n'avait pas été englobé par les capitaux américains, là 50, 75 ans, 100 ans, on ne vivrait pas aussi bien aujourd'hui. Si on regarde Taïwan, s'il ne serait pas englobé par les capitaux japonais, américains et canadiens présentement. Seulement que depuis 5 ans, dans l'espace de 5 ans, ils ont augmenté leur niveau de vie, même s'il n'est pas élevé, s'ils gagnent 60$ par mois. Avant, ils gagnaient 2$ par mois. Mais ça va se faire dans à peu près une dizaine d'années. Ils vont atteindre le même niveau, probablement, on estime, que les Japonais ou les Américains. Chaque chose est intelligente. Ce qui se passe sur le plan de la planète, c'est des choses qui sont logiques, qui sont intelligentes. Nous pouvons appeler cette logique karma lorsqu'elle n'est pas comprise par l'homme, c'est-à-dire que lorsque l'homme crée des perturbations écologiques, il a un karma, c'est-à-dire qu'il y a une réaction qui essaie de réparer ce que l'homme a fait. Et l'homme étant là, lorsque le mur se recrée, le mur qu'il a détruit, évidemment, il se trouve saisi dans le mur. Il appelle ça un karma négatif. Mais chaque chose qui se passe sur le plan planétaire est une leçon. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce une leçon? Simplement parce que l'homme n'ayant pas compris ce qu'il devait faire, il a donc fait autre chose. Et cette autre chose ne peut pas être permise par les lois régissant son contexte évolutif. Cela ne se peut pas. Ce n'est pas qu'une entité l'interdit, ça ne se fait pas. Respire de l'eau, tu te noies. Et ce n'est pas parce que Dieu est méchant, c'est simplement parce que l'expression matérielle des énergies donne cette loi, donne ce mécanisme. Par contre, le poisson vit bien dans l'eau. Et il n'est pas plus évolué que l'homme pour autant. Alors, lorsque l'homme comprend mal quelque chose, il a une leçon, il a un karma. Et lorsque l'homme, de leçon en leçon, découvre la souffrance, finit par essayer de s'ajuster. Il finit par découvrir la voie, c'est-à-dire le seul chemin, le chemin intelligent, là où il n'y a ni souffrance ni leçon. L'homme, c'est tout. À ce moment-là, ce n'est pas son ego qui règle tout. Tout se tant règle. Que l'ego règle tout, l'homme souffre. L'homme est régi par une loi qu'on appelle karma. Les peuples absurdes, les races absurdes ont souvent payé énormément cher leur tentative de devenir ce qu'elle n'était pas. Et lorsqu'une race ne comprend pas qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend, et que lorsqu'une race essaie toujours de vivre comme elle le prétend, elle continue continuellement à frapper les murs de ce qui ne se peut pas. Alors automatiquement, elle est assujettie à un karma extrêmement gros, qui paraît pour l'homme qui ne comprend pas l'intelligence qui régit l'évolution, qui paraît extrêmement affreux. Par contre, si on prend les autres nations qui sont intelligentes, qui font qu'est-ce que c'est qu'ils doivent faire, qui font qu'est-ce qu'ils ont à faire intelligemment, si on prend l'Angleterre, par exemple, de 200 ans, ce qu'ils ont fait, les États-Unis, ainsi de suite, ils atteignent toujours un plafond. Oui. Pourquoi? Parce que lorsque l'intelligence de nos nouvelles nations, ou lorsque l'intelligence des êtres du Verseau, par exemple, et c'est le problème de l'égrégore, on va revenir un peu lors de la troisième partie, lorsque une forme neuve, prenons les hommes du Verseau. Lorsqu'ils vont devenir réels, lorsqu'ils vont avoir un drapeau, un égrégore Verseau, c'est pas nécessaire de le matérialiser sous forme de drapeau, mais je donne un exemple. Lorsqu'ils vont avoir une lignée, qu'est-ce qui va arriver? Tout au long du temps qu'ils vont énergiser l'égrégore et qu'ils vont se servir de l'égrégore, ils vont croître, ils vont grossir. À un moment donné, les personnes qui vont naître suite à cette création, on parle des États-Unis, ou on parle du Verseau, ceux qui, dans 200 ans après la naissance de l'homme du Verseau, par exemple, vont naître. S'ils ne sont pas éduqués ésotériquement pour comprendre l'intelligence de ce qui s'est passé, pour comprendre l'utilité de l'égrégore, pour comprendre qu'est-ce que c'est l'idée de la nation du Verseau, ou qu'est-ce que c'est l'idée des États-Unis, qu'est-ce qui va arriver? Il va simplement arriver ceci, qu'ils vont s'en remettre dans les mains, ils vont se remettre entre les mains de l'égrégore du Verseau ou de la nation américaine, et ils vont énergiser la nation américaine sans se servir de l'égrégore. Ils ne savent plus pourquoi, parce qu'ils n'ont pas été éduqués à comprendre le mécanisme, ils n'ont pas été informés. Donc, après un laps de temps créateur où l'égrégore se matérialise dans la nation, lorsque la nation est l'égale de l'égrégore et que personne tend à augmenter, à améliorer l'égrégore, tant que la collectivité au complet, non pas seulement une personne qui parle le pouvoir de la politique, essaie de transformer l'égrégore, quand la masse ne comprend plus, lorsque les Américains voulaient construire un nouveau pays, lorsque les colons voulaient coloniser pour mettre de quoi pour leurs enfants pour plus tard, avoir des terres, avoir des fermes, se libérer des contraintes matérielles, se libérer des contraintes sociales, en se libérant de l'Angleterre, en se libérant de d'autres pays, l'égrégore était construit, énergisé en fonction d'une transformation de la matière. Lorsque les enfants naissent, des enfants qui sont venus au monde après l'installation de, ce, de cette nation américaine, lorsque ceux-ci naissent, eux ne voient que le bénéfice qu'ils peuvent en retirer, mais ils ne voient pas comment ils pourraient améliorer. Ils ne veulent plus améliorer. Ils trouvent que c'est suffisant. Ils ne sont pas éduqués à améliorer, ils sont éduqués à entretenir. Parce qu'il vient toujours un moment donné où ce qui est matérialisé d'une façon grégorienne demande tellement d'énergie pour qu'il soit entretenu, parce que c'est normal, il tend à se transformer. Au lieu d'être de canaliser l'énergie d'entretien dans une amélioration lors de la transformation naturelle, on la garde dans l'entretien. Donc, les jeunes sont là, non pas pour améliorer, mais pour entretenir ce qui déjà existe. L'égrégore étant la représentation exacte de ce qui se passe au niveau du plan planétaire, du plan matériel, il n'y a plus d'évolution au niveau de la nation, comme il n'y aura plus d'évolution au niveau de l'être du Verseau, tant qu'à un moment donné, une scission ne viendra pas couper les êtres du Verseau pour créer un autre clan qui partira avec de nouvelles idées et on reformera encore des nations. Je prends l'exemple du poisson. Sur une autre base plus élevée. Exactement. Alors présentement, toutes les nations qui ont conquis le monde, ce sont d'ailleurs presque toutes les nations, sont arrivées au plafond qui est le plafond de leur égrégore. Lorsque l'égrégore national ne permet pas d'autre chose que ce qu'ils ont déjà, ils ne font rien d'autre. Alors automatiquement, ils se servent de cet égrégore pour continuer à entretenir leur pays sans énergiser l'égrégore. Combien d'Américains, le nationaliste tend à disparaître autant en Amérique que partout sur la planète. Et lorsque le nationaliste disparaît, la nation s'effondre. Lorsque l'Angleterre a perdu, à part certaines personnes, mais lorsque le peuple anglais a perdu sa qualité anglaise, sa qualité nationale, son honneur, son orgueil national, l'Angleterre s'est légèrement enfouie. Si on regarde lors du conflit avec les Malouines, ou dans les Falklands, l'orgueil anglais a été suffisamment dynamisé pour permettre à l'Angleterre de rester maître sur la mer. Et les îles sont des continents, ce sont des territoires marins. Mais si l'orgueil anglais aurait été trop détruit, l'Angleterre aurait perdu cette colonie. Et c'était extrêmement intelligent, d'ailleurs, ils ont eu un petit coup de pouce des énergies intelligentes pour énergiser l'orgueil anglais, parce qu'il ne fallait pas, évidemment pas, que l'Angleterre perde les Malouines. Non pas parce que c'est une colonie, parce que ça aurait été une autre colonie. On dirait, Daniel, que ces nations montent pendant que les autres restent au même niveau, puis qu'ils restent stagnants pendant que les autres bénéficient de tout ce qui a permis à cette nation-là de monter. Alors, les autres nations, on dirait qu'ils montent. Fonctionnent comme un moteur. Parce qu'on voit les inventions qui sont appliquées dans les autres pays, ainsi de suite. La même chose s'est produite aux États-Unis, là, c'est stagnant depuis quelques années, mais on voit les autres nations qui... Le Québec commence à créer un égrégore, non pas national, il a tenté de créer un égrégore national. Il y aura un égrégore particulier à sa particularité. Ce ne sera pas un égrégore politique nécessairement. Par contre, il y aura plusieurs séparations entre le Québec et le reste de la planète, sur plusieurs plans. Le Québec est en train présentement de bâtir un égrégore, mais c'est au Québec que le premier égrégore du Verseau va être construit. Mais encore une fois, nous allons y revenir lors de la troisième partie. Quelle est la caractéristique d'un être qui fonctionne uniquement avec son mental, ni pas de coloration de l'ego? Uniquement avec son mental, sans coloration avec de l'ego. Parler des caractéristiques, tout ce que je peux intelligemment vous dire, c'est que c'est pas dangereux, qui est pas plus mauvais. Si je définirais les caractéristiques d'un être mental qui ne subit plus la coloration de son astral, je permettrais à l'astral de connaître, donc de pouvoir imiter l'être mental, ce qui donnerait l'illusion à l'ego qu'il est mental, alors qu'en réalité, il ne sera qu'une imitation de l'être mental. Et c'est toujours le gros problème de l'évolution. On doit, lorsqu'on est le moindrement conséquentiel, toujours faire attention à ce que l'ego ne puisse comprendre ce que nous disons au mental. Tant que cela est énergétique, cela peut être canalisé un tantinet par l'ego, mais l'énergie transmise sera surtout intégrée au niveau du plan mental. Lorsque je me sers de la parole, je dois faire plus attention parce que la parole est immédiatement intégrée par le plan de l'astral, par la psychologie, par l'expérience. Elle peut servir le mental, mais elle peut nuire au mental si elle sert l'astral. De définir ou d'expliquer les caractéristiques de notre mental, ce serait empêcher l'ego qui le comprendrait, ou ce serait le ralentir. Il ne pourrait pas devenir mental, étant donné qu'il saurait ce qu'est être mental. Moins l'ego sait de choses, tant que le mental n'a pas l'énergie suffisante pour l'appliquer dans l'instantanéité où il l'apprend, où il le comprend, mieux c'est. Donc, je ne peux pas le définir présentement, ce serait une folie. Est-ce que les peuples forts ont détruit l'écosystème de l'Éthiopie et des autres pays africains que ces peuples ont à mourir maintenant? Est-ce pour se reprendre, pour revenir sur leurs erreurs, que les pays forts essaient tant de sauver tous ces gens? Ou c'est la chose qui doit arriver dans sa logique? L'écosystème des pays qui ont des problèmes a été surtout démoli par les habitants même de ce pays. Ils ont été démolis par l'orgueil privilégié, l'orgueil d'une certaine partie des habitants du pays, un orgueil national qui excluait les pauvres et qui faisait en sorte qu'on se servait des pauvres comme esclaves. Les nations puissantes n'ont habituellement jamais démoli d'écosystèmes. On a toujours établi les écosystèmes démolis, c'est-à-dire qu'on n'a jamais, les nations puissantes ne sont pas intervenus de façon à balayer les écosystèmes des pays qui ont des difficultés. Si on prend, par exemple, le Sahara, qui gagne du terrain sur les terres cultivées d'année en année, ce Sahara, à l'origine, a déjà été une forêt vierge. Les habitants de l'époque de ces régions ont détruit l'écosystème de la place, ce qui s'est avéré extrêmement désastreux, et ce qui a aussi changé l'écosystème de la planète. Le désert du Sahara étant l'une des grandes sources de courants de vent, en plus évidemment de la rotation de la planète sur elle-même, le Sahara est devenu l'un des systèmes thermal ou thermique qui nous donne présentement les conditions climatologiques que nous connaissons sur la planète. C'est-à-dire qu'étant une immense surface caloriférique, lorsque l'air chaud monte, l'air froid prend la place de l'air chaud, ce qui fait en sorte que nous avons des courants de vent de tous les côtés qui se dirigent vers le centre du Sahara pour prendre l'espace, pour remplir le vide créé par l'ascension de l'air chaud qui est chauffé dans le désert. Alors, ce qui fait que cette transformation écologique a transformé l'écosystème de la planète. La planète s'est adaptée à ce phénomène écologique, mais par contre, plusieurs espèces d'animaux ont dû disparaître de la surface de la Terre par ce changement subi de l'écologie. Les nations riches ont une tendance à aider les populations pauvres par écologie personnelle. C'est-à-dire que les nations plus riches savent très bien que leur confort, que leur survie dépend encore et malgré tout des pays en voie de développement ou des pays en voie de sous-développement. Ce qui fait que ce n'est pas pour réparer une erreur déjà commise, c'est surtout pour empêcher qu'eux-mêmes aient à subir la transformation écologique qui a été amorcée par les populations même de ces pays. Si nous avons des populations sud-américaines qui sont continuellement en paix, qui ne se battent jamais, qui ont un pouvoir politique pacifique, les Américains n'auraient jamais à intervenir. Les Américains ont à intervenir parce qu'il y a continuellement des conflits sur ces pays. Il y a continuellement des conflits entre des raisons politiques, entre des idéologies religio-politiques et entre plusieurs formes d'orgueil, le pouvoir, entre autres, qui est nécessaire à plusieurs personnes dans ces pays. Évidemment, ces genres de phénomènes sont dynamisés par une autre nation, l'URSS, qui essaie de se préserver. Et les Américains sont donc obligés d'intervenir pour se préserver. Et si ces pays étaient d'origine pacifique, les Russes ne pourraient intervenir et les Américains n'auraient pas à intervenir. Et les deux aimeraient mieux ne pas intervenir. Les deux aimeraient mieux ne pas intervenir, mais les deux interviennent parce qu'ils ont peur pour leur propre écosystème. Ça n'a pas rapport au pays qui est là. Maintenant, les Soviétiques sont convaincus que les Américains veulent la destruction du communisme et les Américains sont convaincus que le communisme veut étendent ce régime sur la planète. Ce qui est vrai dans les deux cas. Parce que si on prend la guerre du Vietnam, par exemple, dans les journaux, ainsi de suite, on est porté à penser, on nous a laissé l'image que les Américains étaient là pour sauver leurs argent, leurs investissements, ainsi de suite. Mais ça a appauvri les États-Unis de 50 millions de dollars par jour, soit 2 oui, millions de dollars. Ça a sauvé l'économie américaine. Mais ça l'a appauvri à long terme, mais aujourd'hui, ils ne payent pas. Oui, ça a sauvé l'économie américaine, sauf que les Américains n'ont pas été au Vietnam pour sauver leur économie. C'est ça qui est la différence. C'est ce qu'on a laissé sous-entendre. Oui, on a laissé sous-entendre ça, mais les Américains ont été là pour d'une façon très écologique, très humanitaire, et ils ont été embarqués dans un gouffre presque sans fond, et qui a permis de sauver l'économie de presque tout ce qui existe sur la planète, y compris l'économie vietnamienne, même si ce n'est pas encore tout à fait rétabli, les Vietnamiens n'y tiennent pas d'ailleurs, et les Américains ont été, par la force des choses, obligés à venir investir le Vietnam. Mais les Américains ne l'ont jamais fait pour sauver leur économie. À cette époque, ils étaient insuffisamment intelligents, écologiques, pour pouvoir se rendre compte qu'ils devaient intervenir au Vietnam. Ils sont intervenus au Vietnam parce que certains dirigeants ont vu certaines lacunes, mais surtout parce qu'ils y ont été priés par trois quarts de la planète. 300 millions d'habitants qui se suppliaient. Oui, plus que ça, oui. Alors, il y en a plusieurs autres qui ne l'ont pas trop dit, mais les Anglais étaient bien d'accord pour que les Américains y aillent, mais les Anglais ne voulaient pas y aller, les Français ne voulaient plus rester. Presque toute la planète était d'accord pour que les Américains y aillent. C'est évident qu'il fallait que quelqu'un mette les pieds là, personne ne voulait le faire. Et c'est les Américains qui y ont été. Et étant donné que la raison réelle du conflit, disons, américano-vietnamien, n'a pas été compris, on a toujours expliqué ce phénomène. C'est sûr que pendant ce temps, les Américains en ont profité pour essayer de nouvelles armes. Ils en ont profité pour essayer plusieurs choses. Mais ce n'était pas le but fondamental de la guerre du Vietnam. Comme la guerre de Corée était un empêchement à quelque chose d'autre. Si à la fin de la guerre mondiale, les Américains avaient investi immédiatement à la Corée, on aurait sauvé des millions de vies en hommes américains et en hommes coréens, et on aurait réglé un problème qui, dans l'œuf, était apparent. D'ailleurs, on a un grand militaire américain qui avait vu le problème. Mais vu qu'on marche en politique, on a voté l'attaque de la Corée, et cela a été... on a perdu le vote. Ce qui fait que quelques années après, les Américains ont dû retourner en Corée, et là, ça leur coûtait cher. Le Vietnam, c'est un peu la même chose. Mais c'est un problème surtout français, le Vietnam. À l'origine. Mais ils ont tiré les Américains, puis il n'y a pas ça, ils ont oui. Parce donc, que c'est très dispendieux. Une mentalité assez française, d'ailleurs. Si on revient, Daniel, au désert du Sahara, justement, les Américains, ça s'est fait ça sans conscience lorsqu'ils ont abandonné les forêts et qu'ils ont laissé. Parce que les Américains ont presque connu la même chose dans le sud de la Californie. J'étais en train de devenir désertique. Et puis, en faisant des efforts, en amenant l'eau de 400-500 000 de Los Angeles et en arrosant le long des routes, ainsi de suite, il s'est remis à mouiller maintenant dans le sud de la Californie. Alors, il pousse c'est un cercle vicieux, il pousse plus d'air. Automatiquement, si tu travailles avec les énergies de l'écologie, avec les lois qui régissent la matière dans la région où tu vis, automatiquement, tu crées l'amélioration. Parce que si rien n'avait été fait, on prétend que ce serait comme l'Arizona, comme le Nevada aujourd'hui. N'importe quel désert peut devenir un endroit, une espèce de jungle, une forêt. N'importe quel désert peut devenir un champ. Et automatiquement, on change. Si chaque parcelle de désert de la planète redevenait vert, on aurait une disparition des pôles glacés. On aurait une transformation complète de la géologie, de la climatologie, surtout planétaire. Alors, ce qui arrive, évidemment, la Terre a une tendance innée à se rapprocher du Soleil, donc on a une tendance à se réchauffer. La Terre, c'est-à-dire que la Terre s'éloigne légèrement du Soleil, mais le Soleil a une tendance à grossir, donc il rattrape la Terre. Et la Terre est suffisamment proche pour être continuellement chaude. Le fait simplement de dire que le pôle est dans une position précaire, et c'est pourquoi le pôle est toujours gelé, c'est vrai et c'est faux. Parce que lorsque le pôle Nord est dans une position précaire, le pôle Sud est dans une bonne position. Et lorsque nous avons des températures comme nous connaissons, où nous sortons en chemise une journée et le lendemain, nous devons sortir nos pelles pour le surlendemain ressortir en chemise pour revoir encore la neige au courant de la soirée. C'est simplement une question de vent, de parcelles sur la Terre qui est réchauffée. Enfin, il y a plusieurs mécanismes que je ne veux pas élaborer, présentement, c'est extrêmement compliqué. Mais ici, on transforme des régions de la planète, on transforme la planète. De toute manière, un jour, l'homme aura besoin de plus d'espace pour vivre, parce que la planète n'est pas encore surpeuplée. J'expliquais vendredi dernier que le problème de l'écologie n'était pas de savoir combien d'êtres humains vont survivre à l'apocalypse. C'était surtout de savoir quel va être le genre d'existence des survivants. À un moment donné, l'homme va être suffisamment conséquentiel, intelligent, et qu'il pourra transformer lui-même l'écologie météorologique de sa planète, donc la flore, la faune et tout ça. Et les animaux auront aussi une transformation qui leur permettra de se nourrir plus de végétaux. Donc, on aura aussi une perte de violence sur la planète. C'est quelque chose qui est extrêmement plus loin en temps, mais l'homme, à un moment donné, va être capable de retransformer sa planète en une planète qui sera complètement habitable, avec des températures qui seront une bonne moyenne, qui ne seront pas ni trop chaudes, ni trop froides. Ce n'est pas encore le temps. La science de l'homme arrive à pouvoir s'imaginer qu'elle pourra le faire, mais la politique humaine est loin de là. Justement, pendant que tu parlais, ça m'amenait à ceci, Daniel. Je pensais à ce qui a été fait dans le sud de la Californie en arrosant. Ça a pris 3 ans sans qu'il y ait de pluie à Los Angeles pour réveiller des gens. Des gens qui, des politiciens, pour se mettre à faire quelque chose. Faisant ce quelque chose, soit arroser et prendre beaucoup de soins pour épargner leur eau, bien, ça a fait pousser des arbres qui ont attiré la pluie. Et si on regarde l'individu, beaucoup de gens ont passé par ce cheminement pour la conscientisation. Ils étaient bien secs. Ils se sont aperçus qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Ils ont nettoyé un petit peu l'intérieur, puis là, ils mouillent de temps en temps. Ça continue. OK. On appelle ça faire une analogie. Le problème de la climatologie planétaire influence premièrement les ondes telluriques planétaires. C'est-à-dire que dans certains contextes de climat, certaines formes d'énergie tellurique vont se présenter à la surface, tandis que d'autres vont fuir pour se présenter à l'intérieur de la planète. L'homme qui évolue dans un contexte climatologique particulier est baigné, reçoit des énergies solaires, particulières étant donné le contexte du climat, et il reçoit aussi des énergies telluriques très particulières, ce qui permet à certaines formes de races qui vivent sur certains continents, qui ont certains genres de climat, de pouvoir développer des parcelles de leur être-té plus que d'autres. Prenons par exemple le climat nord-américain ou américain ou européen ou soviétique, le climat tempéré. Le climat tempéré permet un mélange, disons, intelligent, un peu mélange équilibré, des énergies du soleil et des énergies telluriques. Ce qui permet surtout, lorsque le soleil, les énergies solaires tendent à diminuer, cela permet surtout un apport d'énergie tellurique. Et l'énergie tellurique n'est pas comme on le conçoit d'un ordre, de même que l'énergie solaire n'est pas non plus d'un ordre. Nous appelons l'énergie solaire yang, l'énergie tellurique yin. Mais dans le yin, on a immensément de sortes de yin. Et dans le yang, on a immensément d'expressions yaniques. Donc, lorsque la personne foule une terre dans un climat tempéré, elle a un corps tempéré, un corps qui est beaucoup plus apte à ce qu'il y ait un équilibre des énergies nouvelles. On a dans les pays tempérés on a une industrie, on a une technologie qui est beaucoup plus avancée que le reste de la planète. Et dans les régions telluriques comme le Québec, où on a une espèce de climat particulier, parce qu'il faudrait bien savoir que le Québec a une température moyenne plus froide qu'aucune région sur la planète. Et dans certains pays, on a des températures qui approchent la température moyenne de froid du Québec, et ce sont des régions inhabitées. Et au Québec, nous avons, et c'est pire que le pôle Nord, de temps en temps, on va parler qu'à Thule, par exemple, sur le Groenland, qui est une base aérienne américaine, on a des températures de moins 60. Mais en moyenne, il fait plus chaud à Thule qu'il fait froid à Québec. Au Québec. Il fait beaucoup plus froid au Québec en moyenne qu'à Thule et qu'au pôle Nord. Alors, ce qui fait qu'on est dans une région ici qui est extrêmement particulière, qui est capable de subir un froid moyen intense et avoir une température chaude extrêmement haute. Parce qu'on a des étés où on a beaucoup plus de chaleur ici au Québec qu'on en a à Acapulco, qu'on en a partout sur la planète. J'ai certains de mes copains qui ont déjà été dans le désert du Sahara. Parce qu'il fait chaud tout le temps, tu te déshydrates. Mais de temps en temps, il fait beaucoup plus chaud au Québec que dans le désert du Sahara. Alors, ce qui fait qu'on a un contexte tellurique, un contexte solaire, un contexte climatologique qui permet l'évolution d'une race parfaite pour ce qui s'en vient. Dans le cas du Sahara, ce qui arrive, c'est qu'il fait chaud le jour, mais il fait froid la nuit. Mm-hmm. Tandis qu'ici, il fait chaud le jour et puis c'est tempéré. C'est plus chaud la nuit. Veux-tu nous parler du troisième rayon? Quels sont les signes et les conditions pour que cette personne opère sur la planète? Bon. Disons qu'on n'a pas le temps lors de la deuxième partie, et je ne crois pas qu'on va pouvoir avoir le temps lors de la troisième partie. Alors, on prend un autre petit entracte.